les frères Babo Kokyan. Comme beaucoup d'habitants ici, leur famille est originaire de l'autre bout de la Russie. Leur père, Georges, était arménien. Je vais vous montrer une photo de notre vieux père. Voilà, c'est lui au milieu. Il était médecin en Arménie, lorsque le pays faisait encore partie de l'URSS. Il est venu ici dans les années 70. Édouard, 42 ans, gère l'entreprise familiale au quotidien. Son frère, Armen, 45 ans, s'occupe des relations avec les autorités, la police, les hommes politiques. En Russie, quand on veut faire du business, c'est indispensable. Mais c'est qui le boss ? Le boss, c'est lui. Non, c'est vrai, je suis le petit frère, mais c'est moi le big boss. Moi, je m'occupe de faire tourner nos cliniques au jour le jour. Mon frère, lui, s'occupe de la communication, entre guillemets, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas vraiment officiel, si vous voyez ce que je veux dire. Les deux hommes dirigent un petit empire de cliniques dentaires et chirurgicales en duo. En Russie, il y a 10 ou 15 ans, si tu voulais faire du business, il fallait avoir une belle voiture, un bon look, de belles chaussures, des costumes chics et une montre très chère. Mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Tu peux porter ce que tu veux. Pourtant, je vois que vous avez de très jolies montres à vos poignets. Oui, c'est une Roger Dubuis. Mais non, c'est une babiole. Ouais, enfin, c'est quand même des babioles à 100 000 dollars. Celle de mon frère vaut 130 000 et la mienne est à 80 000 dollars. Comme chez tous les nouveaux riches à Vladivostok, le garage des deux frères est bien rempli. Berline allemande pour toute la famille. Ça, c'est la voiture d'Armen. Là, il y a ma voiture. Là-bas, celle de la femme d'Armen. Et puis ça, c'est la voiture pour les enfants. Aucun des deux frères n'est diplômé. Mais à la mort de leur père, ils ont créé un groupe de santé dentaire privé, le George Dental Group, du prénom du patriarche. Bonjour les filles, ne soyez pas intimidées par les caméras. Hein. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'un petit empire de cliniques. Ils en possèdent une dizaine dans la région de Vladivostok. Prix moyen d'une couronne chez les deux frères, 1500 euros. C'est beaucoup d'argent en Russie. Armen et son frère se considèrent comme les chefs de la communauté arménienne de la ville, environ 8000 personnes. Alors, pour tenir leur rang, ils ont lancé un projet très ambitieux. On va vous faire visiter notre église arménienne. Avec des amis, on a commencé les travaux en 2001. Ça fait presque 16 ans maintenant. Ils ont entrepris de rénover la seule église arménienne de la ville qui était en ruine. À leur côté, la communauté a investi plus d'un million d'euros dans le chantier. Ils ont fait venir ces briques rouges directement d'Arménie. Les deux frères y ont même été recrutés un pop pour diriger les offices. Quand les travaux seront finis, ça sera vraiment magnifique. Hein. Notre grand projet, c'est de permettre aux jeunes Arméniens de Vladivostok de se sentir arméniens en venant ici. Ils comprennent notre culture, la musique, la langue, par exemple. N'oubliez pas qu'on est à 10 000 km de notre patrie, l'Arménie. On essaye de reconstituer une petite Arménie à Vladivostok. Pour boucler leur projet, les deux frères tentent de convaincre un promoteur immobilier arménien, Artor, de remettre de l'argent dans le chantier. Mais l'homme se fait prier. Moi, j'ai déjà mis 100 000 euros. Et là, vous me demandez de remettre 80 000 en plus. C'est pas possible. C'est trop. Il suffit de demander à ta banque. Mais non, ça se passe pas comme ça. Je leur dois déjà beaucoup d'argent. Ça m'énerve. Ces travaux devraient être terminés depuis plusieurs mois. Je pense qu'il nous reste encore un an de travail pour que tout soit fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Plein de petites choses. Pourtant, on dirait que c'est presque fini. Ah, tu vois, le français, il pense que c'est terminé. Non, des petits détails à régler encore. L'affaire ne se réglera pas tout de suite. Edouard doit retourner à son bureau. Il a des rendez-vous.